Michel. Ça serait chouette de chanter une chanson ensemble. J'aime la galette, savez-vous comment? Quand elle est bien faite, avec du beurre dedans. Savez-vous comment? Quand elle est bien faite avec du beurre dedans. Tra la la la la la la la l'air. Tra la la la la la la la la. Tra la la la la la la la l'air. Tra la la la la la la la la. J'aime la galette. Savez-vous comment? Quand elle est bien faite. Avec du beurre dedans. Tra la la la la la la la l'air. Tra la la la la la la la la. Tra la la la la la la la l'air. Tra la la la la la la la la. Eddie, c'est à ton tour maintenant. J'aime la galette. Quand elle est bien faite avec du beurre dedans.